Exercice 11, page 69. Je ne peux pas le dire autrement. Après son départ, la solitude est devenue insupportable. Deux jours après, on m'a proposé un nouveau travail.